Chapitre 28e. Le lendemain matin, M. de Garmante reçut un billet de la baronne. « Laissez-moi vous dire, mon cher comte, que lorsqu'on veut marier les gens, il serait sage de leur demander au préalable s'ils en ont envie pour de bon. Votre M. Henriot est un beau garçon et un artiste de grand talent. Mais il me paraît aussi disposé à se faire carme qu'à prendre femme. Je vous ai bien regretté hier soir. Vous auriez peut-être compris, vous qui connaissez, ce qui s'est passé entre lui et ma pauvre petite amie. Je n'y ai vu goutte, mais il me semble que le mariage en question s'en va à volo. Voilà un joli début pour moi. Est-ce que j'aurai le mauvais œil ?» Une heure après, le comte était chez Henriot. « Eh bien, que se passe-t-il donc, mon cher Jacques ? » dit-il en entrant. « La baronne m'écrit que rien ne va plus. Et comme elle avait fort à cœur de vous faire épouser sa petite amie, c'est à moi qu'elle s'en prend. » Jacques sourit tristement. « Ce qui se passe, mon Dieu, rien. Seulement j'ai reconnu combien j'avais raison de vous dire que je n'étais pas mûr encore pour le mariage. Ah, bah, et comment cela ? À 1000 indices, dont je regrette maintenant de n'avoir pas tenu compte plus tôt. Cela m'aurait épargné le remords, que j'éprouve aujourd'hui d'avoir peut-être, sans le vouloir, troublé la tranquillité de cette jeune fille. Et ces choses précieuses que la paix du cœur, je le sais mieux que personne. Mais enfin, me direz-vous, oh, ce n'est pas long. J'ai donc rencontré, il y a 2 mois à peu près, Mademoiselle Haute-Claire chez la baronne, puis dans 4 ou 5 autres maisons. Il n'était pas bien difficile de voir qu'on voulait nous marier. Et comme je n'avais en principe aucune objection, je ne me suis pas dérobé, sans faire la cour à cette jeune fille, en évitant soigneusement de la compromettre et de m'engager. J'ai essayé de l'aimer, je n'ai pas pu, et me voici. « Jacques, dit Monsieur de Garamante, vous me cachez quelque chose. C'est votre droit. » Et je n'insiste pas, mais je regrette profondément, laissez-moi vous le dire, que vous ayez refusé ce brave cœur qui s'offrait à vous. » Il se leva pour sortir. Jacques se leva vivement, lui prit la main et le retint en disant « Restez, je vous en prie. Je ne vous ai pas tout dit, c'est vrai. Et j'ai honte de montrer si peu de confiance à qui me témoigne tant de sympathie. » Et il lui raconta tous les efforts qu'il avait faits pour aimer la jeune fille. Comment il avait cru plus d'une fois que l'amour en effet allait se mettre de la partie et combien il avait souhaité ce renouveau. « Vain espoir, disait-il, je sens en moi quelque chose qui ne veut plus vibrer. Et comme d'un instrument dont les cordes sont cassées, je ne puis plus tirer de mon pauvre cœur que des sons aigres et discordants. Mais alors, mon cher enfant, vous l'aimez donc encore, cette femme qui est déjà si lourdement pesée sur votre vie ? Je ne crois pas, mais il m'est impossible d'en aimer une autre. Pas même Mademoiselle Haute-Claire, une jeune fille si douce, si simple, si charmante. Sans doute. Seulement, quand on a été épris de Madame de Morincourt, savez-vous ce qui arrive ? C'est qu'on n'aime plus la douceur, qu'on n'aime plus la simplicité, qu'on n'aime plus le charme. On a le goût perverti à ce point que ce qui devrait plaire dans une femme, ce qui mérite l'estime, est précisément ce qui vous éloigne d'elle. On devient, au moral, une espèce de monstre qui ne peut plus aimer honnêtement, saintement, et dont la corruption intellectuelle réclame les excitations de la coquetterie la plus raffinée. La simplicité, disiez-vous, et je ne puis plus la souffrir, depuis que je connais l'art d'André. J'ai causé beaucoup avec cette jeune fille. Vous croyez peut-être que son ingénuité m'a touché. Allons donc. Elle m'a fait songer à la maestria de l'autre. J'ai entendu de sa musique, musique italienne, quelque chose de fade, qui écœure. L'autre avait fait un choix savant dans ce que la musique de tous les pays et de tous les temps a de plus vibrant, de plus passionné, et cette musique capiteuse me grisait. Hier soir, la pauvre innocente a chanté, et le hasard a voulu qu'elle choisît un des morceaux d'André. Sa voix pure, au lieu de me charmer, a seulement éveillé en moi le souvenir du contralto étrange et puissant, dont les notes troublantes m'ont si souvent fait palpiter jadis. Non, non, l'épreuve est faite. Je ne puis pas, je ne veux pas me marier. Qu'on ne m'en parle plus. Il y a des poisons que l'organisme ne peut éliminer, n'est-ce pas ? De même, il y a des amours dont on ne guérit point. Sans doute, on n'en meurt pas, mais on en garde le virus, toujours. « Diable ! » dit seulement le comte, et après un silence. « Est-ce que vous avez vu Madame de Morincourt depuis quelque temps ? » ?»« Moi, pas du tout, et je n'ai pas plus cherché la voir que je n'ai l'intention de le faire à l'avenir. » Elle m'avait chargé de vous engager à venir chez elle. » reprit M. de Garamante en plongeant son regard scrutateur dans les yeux de Henriot. Il ne broncha pas et répondit. « C'est beaucoup d'honneur qu'elle me fait. mais je ne mettrai pas les pieds à l'hôtel Morincourt. Si pourtant elle essayait de vous y attirer, je n'irai pas. Vous voyez bien pourtant que vous n'êtes point détaché de cette femme. Pardon, je ne le suis pas assez, cela est évident, pour que le souvenir qui me reste d'elle ne me condamne pas à l'impuissance d'aimer ailleurs. Mais si vous croyez que mon ancienne passion est à la veille de se rallumer, vous vous trompez. Parmi les sentiments complexes qu'André m'inspire aujourd'hui, ce qui domine, c'est une sorte d'horreur. Songez donc qu'il y a pour nous séparer à jamais, et nous rendre étrangers l'un à l'autre non seulement son mariage, mais encore cette chose effroyable, la mort de Henri. Non, non, je vous assure, tout est bien fini entre nous. Espérons-le, dit le comte, et il se dirigea vers la porte. Au moment de sortir, « Le travail va toujours bien ? » demanda-t-il. « Serez-vous prêt pour le salon ?»« Bien juste. J'ai pourtant abattu terriblement d'ouvrages depuis mon retour. Avec les 10 jours qui me restent, j'arriverai. »« Et vous ne voulez toujours pas me montrer votre toile ? » ?»« Pardonnez-moi cette petite coquetterie. Je désire vivement ne vous la présenter qu'achevée. »« Soit. » »« Quel est donc votre sujet déjà ?»« Ah oui, une scène biblique, m'avez-vous dit. »« Allons, bonne chance. Travaillez bien, et à ce soir. » Nous dînons ensemble, n'est-ce pas, célibataire endurci?